Je fais le bassiste. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire. Merde, j'ai perdu. C'est bon. Whoa. Ça passe, c'est bon ? Thank you. Il fait joujou avec son nouveau vesté. Porte la basse. We'll be right back. Thank you. Oui, désolé. Thank you.